Le rôle des Croates. Les Américains avaient conscience que l'Iran procédait à des livraisons d'armes depuis 1992, en passant par la Croatie, et que cette activité s'était beaucoup ralentie, voire arrêtée temporairement, à cause du conflit existant en Bosnie entre les musulmans et les Croates. La constitution de la fédération permettait donc maintenant la réouverture de ce pipeline iranien. Ce fait et l'intervention américaine ont été deux des jalons capitaux de la consolidation du trafic d'armes entre la Croatie et l'Iran. Gojko Susak, le ministre croate de la Défense, a aussi déclaré qu'en 1992 et en 1993, les Américains n'avaient encore aucune curiosité pour ces opérations. Les Américains n'ont jamais protesté. Quand ils posaient des questions, nous disions que nos armes d'origine avaient fait des petits. Néanmoins, le gouvernement à Zagreb était divisé sur la question du transit des armes. Ce qui se comprend, parce que la Croatie et la Bosnie avaient connu des combats féroces aux alentours de Travnik et de Zenica. Ce qui s'est apaisé après la constitution de la Fédération en mars 1994. D'autre part, Zagreb aussi avait besoin d'armes et de munitions. Au début, c'était la Croatie qui souffrait le plus de la résolution 713 du Conseil de sécurité, qui dictait que chaque État membre arrête les livraisons d'armes et de fournitures militaires depuis leur territoire propre à destination des factions combattantes dans les Balkans. Cependant, Susak était un fervent supporteur des marchandises iraniennes. Parce que, malgré le conflit avec l'armée de Bosnie-Herzégovine, il était possible de prélever une portion des chargements, et ainsi de conserver une partie des armes sur place à Zagreb. De plus, avec les nouvelles armes, l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine se trouvait dans la position de clouer sur place, en les mobilisant, les unités et ressources serbo-bosniaques, qui étaient par conséquent dans l'incapacité de se déployer contre les Croates. Miroslav Tudjman et Mate Granic, le ministre des Affaires étrangères, s'opposaient cependant à la reprise des livraisons. Ils craignaient que l'Iran n'exerce une influence trop grande et que les combats entre la Bosnie et la Croatie ne redoublent. Le président Tudjman finit quand même par prendre le parti de Susak, parce que les armes supplémentaires pouvaient représenter des succès militaires importants. Tudjman n'avait pas besoin de s'inquiéter d'éventuelles interventions de l'UNPROFOR contre les convois. Malgré toutes les résolutions prises, il n'existait aucune directive qui lui demande de contrôler les possibles infractions ni d'appliquer l'embargo. Les observateurs n'étaient même pas autorisés à inspecter les avions. Des documents classés secrets par la CIA auxquels le Los Angeles Times se débrouilla pour avoir néanmoins accès ont prouvé que Peter Galbraith, l'ambassadeur américain à Zagreb, avait lui-même déjà engagé des démarches de réapprovisionnement. En février ou mars 1994, il a discuté avec son chef de cellule CIA des possibilités de livraison secrète d'armes à la Bosnie, que les États-Unis feraient semblant de ne pas voir. Le chef de cellule a immédiatement fait un rapport à son quartier général. Le 16 avril, Galbraith a eu une discussion avec l'imam Sefko Omer Basic, leader religieux d'une petite communauté musulmane de Zagreb, qui a ensuite informé l'ambassadeur iranien que les diplomates américains l'avaient incité à acheter des armes pour l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine. La CIA a réussi à se procurer un compte-rendu de cette discussion et elle a suspecté Galbraith de s'être engagé dans une opération secrète. Le 27 avril 1994, Granic, le ministre croate des Affaires étrangères, a rendu visite à l'ambassadeur américain Galbraith. Le gouvernement croate désirait remettre en route le pipeline iranien. Granic était toujours opposé à cette idée et a incité Galbraith à dire non. Le lendemain, le président Tudjman voulait à son tour en discuter avec Galbraith. Il désirait une réponse formelle à la question de savoir quelle serait la réaction de l'administration Clinton si les livraisons reprenaient. Granitch avait pensé que, puisque Zagreb voulait entretenir de bonnes relations avec Washington, Tudjman accepterait la reprise. Galbraith, qui s'irritait autant de la situation que Holbrooke, penchait pour la reprise. Le lendemain, Galbraith et Tudjman ont eu un bref entretien, au cours duquel Tudjman lui a transmis la requête des Croates, qui désiraient eux aussi que les livraisons recommencent. Plus tard, ce même jour, Galbraith disait au département d'État « C'est un problème urgent ». Il faisait référence au fait que Mikica Valentić, le premier ministre croate, avait prévu un départ pour Téhéran le 29 avril. Sans le feu vert américain, son voyage allait être annulé. Galbraith a suggéré qu'on utilise pour les livraisons des Boeing 747 iraniens maquillés. La moitié des armes en stock serait pour la Croatie et l'autre pour les musulmans bosniaques. À Washington, on décide. Galbraith a contacté Alexander Vershbow, l'assistant à la Bosnie auprès du secrétaire d'État américain, qui, à son tour, a fait passer le problème dans les mains de Straub Talbot, le sous-secrétaire d'État, puis celle de Lake. Tous deux comprenaient où se trouvait le dilemme. L'inconvénient était que l'Iran se retrouverait attiré, infiltré dans cette région, ce qui pouvait avoir de graves conséquences par la suite, et même provoquer un effondrement subit de la Fédération croato-musulmane. L'avantage en était, enfin, la garantie d'une aide présente et future pour les musulmans de Bosnie. Au même moment, les avocats du département d'État évaluaient la légalité de l'opération. Ils en sont venus à la conclusion qu'encourager un gouvernement étranger à se procurer des armes en Iran ne correspondait pas à une action secrète. Talbot et Lake ont décidé d'informer Galbraith qu'on ne lui donnait aucun ordre. Une manière habile de dire que les États-Unis ne feraient pas d'objection. Le 27 avril 1994, Lake et Talbot ont eu avec Clinton une discussion à bord d'Air Force One. C'est là que la décision a été prise de donner le feu vert aux livraisons d'armes à la Croatie depuis l'Iran. Les objections ont été rejetées. Christopher a été mis devant le fait accompli, et Woolsey, le directeur de la CIA, n'a pas été informé du tout. D'après Redman, Lake s'était fait à l'idée, et il était même derrière l'idée de la livraison d'armes à l'armée de la Bosnie-Herzégovine. C'est de Lake qu'est venu le fameux « aucun ordre » destiné à Galbraith et Redman. Il existait encore des doutes à propos du rôle potentiel de l'Iran, mais le revirement complet de politique s'est rapidement fait sentir.